tendresse au milieu de ma solitude, comme c'est tentant. Tes caresses, tes promesses, sans grand serment. Jeunesse, jeunesse, l'amour m'a pris en servitude en se jouant. Et je confesse ma faiblesse. Je suis ton amant. Pourtant, je ne sais sur quel pied danser. Car tu es femme mariée, bien mariée. Et cette affaire ne me plaît guère. J'aime la simplicité. Des saints désirs, mais je t'aime quand même à en mourir. À ton mari, à ton mari.